Se mêler de ses affaires. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'individu qui se conscientise est appelé à apprendre à se mêler de ses affaires d'une manière vibratoire. Il ne s'occupe pas des affaires des autres s'il n'a pas la vibration de le faire. S'il cherche à aider une personne alors qu'il ressent que ce n'est pas approprié, il ne se mêle pas de ses affaires. S'il le fait pareil et il insiste, l'autre personne ne sera pas réceptive à son intervention. Il risque de se la mettre à dos et puis cela sera une perte d'énergie inutile. L'individu qui se conscientise est appelé à développer la capacité de ne pas se laisser influencer par des idées pouvant provenir d'entités des hauts plans astraux, à vouloir continuellement aider les autres. Il ne cherche pas à jouer à l'ange ou au sauveur. Lorsque l'individu qui a une conscience vibratoire perçoit que la vibration derrière la pensée de faire un geste est très basse, soit du plan astral, à comparer de celle se rapportant à l'idée de ne pas l'effectuer qui est plus haute, soit du plan mental, il est mieux qu'il ne passe pas à l'action. S'il agit pareil, son agissement n'est pas en congruence avec son esprit, mais plutôt avec une entité astrale. Au fil du temps, s'il agit constamment en fonction d'entités astrales, cela l'alourdit, le colore et le lie psychiquement avec les gens auxquels il fait de l'ingérence dans leur vie. S'il cherche fortement à imposer son aide aux autres, cela lui occasionne un lourd karma parce que son agissement manque d'ajustement vibratoire. L'individu qui se conscientise apprend à agir seulement en fonction de ce qui est en harmonie avec la vibration la plus élevée qu'il perçoit dans sa conscience. Cela peut être très difficile pour lui au début. S'il donne de la valeur à la croyance que le but du processus de l'évolution de conscience s'avère d'aider les autres et d'être au service du collectif, il doit réaliser que ce n'est pas le cas. Le but du processus d'évolution de conscience vise plutôt à ce qu'il devienne libre et individualisé dans sa conscience plutôt qu'un serviteur. Il doit être sa propre autorité plutôt qu'au service d'un idéal. De toute manière, parfois la meilleure façon d'aider les autres à long terme et intelligemment est de les laisser apprendre de leurs erreurs plutôt que de chercher constamment à leur dire quoi faire et à les surprotéger au nom d'un idéal. Par exemple, une personne peut constamment répéter à une autre qu'elle doit arrêter de s'endetter. Par contre, si l'autre personne n'est pas intéressée à écouter ce qu'elle dit, cela ne sert à rien. Toutefois, si elle fait faillite, il est possible qu'à travers cette expérience, elle vive un choc et qu'elle réalise, par elle-même, les conséquences de ses actions et qu'elle modifie son comportement. Donc, c'est souvent lorsque les gens sont confrontés à des chocs de vie que la prise de conscience se fait chez eux. Ainsi, l'individu conscient, au lieu de s'acharner à répéter des centaines de fois à une autre personne d'arrêter de s'endetter, eh bien, il peut lui dire une ou deux fois, mais pas plus s'il n'en a pas la vibration. Il peut être possible aussi qu'il a la vibration qu'il ne doit pas intervenir parce qu'il sait que la personne n'est pas suffisamment ouverte pour recevoir son conseil. Il peut parler avec son esprit et ce dernier peut lui dire que cette personne va éventuellement vivre un choc de vie qui va faire en sorte qu'elle va arrêter de s'endetter. Donc, au lieu de perdre de l'énergie à se disputer avec la personne qui s'endette, et de se la mettre à dos en voulant imposer sa volonté à elle, en vue de l'influencer pour qu'elle fasse une action qu'elle n'est pas prête à faire, l'individu s'occupe de ses affaires, il conserve un bon lien avec elle Et puis, il utilise le temps qu'il n'a pas gaspillé à lui faire la morale pour faire autre chose. Plus il avance en conscience et plus il développe une capacité de vision à long terme, il devient patient quand c'est nécessaire. Ces éléments lui permettent de contenir le temps que cela prend pour que les réajustements soient faits sans en souffrir en y réfléchissant constamment. Dans un autre ordre d'idées, plus l'individu qui se conscientise présente un lien d'attachement émotionnel avec une personne qu'il estime qu'elle a besoin d'aide, et plus il peut être difficile pour lui de se mêler de ses affaires en sa présence. Cela s'explique parce qu'il nourrit un lien d'amour polarisé avec elle. Ainsi, il est souvent plus difficile de se mêler de ses affaires et d'être neutre avec un membre de sa famille, un ami ou un conjoint, plutôt qu'un inconnu. Par contre, il doit réaliser que les gens qu'il aime subjectivement évoluent à leur rythme et qu'il ne doit pas leur imposer sa vitesse de développement personnel par respect pour eux. Aussi, la croissance de son individualité l'amène à développer la capacité de prendre ses distances par rapport à ses proches et d'être capable de se désengager émotivement avec ces personnes pour plutôt s'engager dans un rapport d'amour vibratoire à leur égard. L'individu qui se conscientise apprend à aimer de manière vibratoire, avec transparence de l'ego, plutôt qu'avec un ego orgueilleux. Plus l'individu avance dans son processus de fusion avec l'esprit, et plus il a une capacité de comprendre les gens sur le plan vibratoire et a accès à une conscience télépathique. Plus il voit clair en lui et plus il peut voir clair aussi chez les autres, plus il dispose du potentiel de les aider et plus il doit être capable de se mêler de ses affaires. Cela s'explique parce que plus sa vibration est haute et plus il est capable de créer des chocs chez certaines personnes parce qu'il est en mesure d'accéder à de l'information de nature vibratoire qu'elles, n'ayant pas de conscience vibratoire, ne sont pas en mesure d'assumer adéquatement étant donné qu'elles ont une conscience réflexive. Donc, l'individu qui se conscientise a plus de potentiel qu'une personne inconsciente d'aider les autres efficacement. Par contre, à la différence d'elle, il va seulement chercher à aider des gens quand il a la vibration que c'est pertinent de le faire. Donc, au lieu de répéter des milliers de fois un conseil à un individu qui ne l'écoute pas, comme la personne qui ne perçoit pas vibratoirement que ce n'est pas pertinent d'agir ainsi, il va seulement le faire au moment qu'il a la vibration que ce type d'action peut avoir un impact réel. Donc, au lieu de donner impulsivement des conseils, son esprit peut lui dire que cela va être seulement pertinent de le faire dans 2 ans et il va agir en conséquence. Il va avoir la maturité pour contenir le temps. Donc, il dit seulement les choses quand c'est utile de les mentionner et il ne perd pas son temps. Plus l'individu devient conscient et plus il est en mesure de contenir le désir astral d'aider les autres à tout prix. Cela est d'autant plus pertinent que lorsqu'il perçoit que cette aide à court terme peut avoir des répercussions plus nuisibles qu'utiles à long terme. Par exemple, si les parents d'un enfant, dans le but de l'aider, font constamment ses devoirs à sa place, cela peut faire plaisir à court terme aux jeunes. Mais cela peut faire en sorte qu'à long terme, ils ne réussissent pas l'examen en classe s'y rapportant, pour lequel ils ne pourront pas demander le support des parents et qu'ils n'aient pas préparé adéquatement. L'individu inconscient qui ne se mêle pas de ses affaires peut chercher à aider tout le monde sans discernement. Puis il peut se retrouver en situation d'épuisement personnel après un certain temps, car de vouloir aider des gens qui n'ont pas à l'être occasionne des pertes d'énergie. S'il fait trop d'ingérence dans la vie des autres, cela peut l'amener à être en conflit avec des gens. Ainsi, l'aide qu'il désire apporter peut s'avérer plus nuisible qu'utile Il peut vouloir aider des gens dans l'optique de se faire aimer et avoir plus d'amis. Par contre, il peut se ramasser dans une situation où cela entraîne l'effet contraire et se retrouver alors avec de nouveaux ennemis. Donc, il est très important de savoir se mêler de ses affaires. Voilà ce qui termine la lecture du texte s'intitulant « Se mêler de ses affaires ». Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien Internet qui figure en bas de cette vidéo.